Ouais, ça c'était du triton LE, ça, ce que j'ai entendu là avant. Du triton LE. Putain, ça parle plus français maintenant ici? Ça parle italien, américain, sournois, Shannon, tu parles italien maintenant? Sortir des années 80. Je te survivrai, tu m'entendras, et je suis. part en toi, je te survivrai comme un revenant, je te survivrai, je te survivrai, et tu m'entendras, je te survivrai quelque part en toi, je te survivrai, je te survivrai. Chinois, dans le bleu des photos, dans le regard d'un chat, dans les ailes d'un oiseau, dans la force d'un homme, dans la couleur de l'eau, je te survivrai. Attends, je vais prendre mes paroles. Dans les miroirs chinois, dans le bleu des photos, dans le dans la force d'un arbre, dans la couleur de l'eau, je te survivrai. Je te survivrai, dans la langue, je te survivrai, dans les yeux d'enfant, je te survivrai, comme un revenant, je te survivrai, dans l'hiver et le vent, dans le froid des maisons, dans les sables mouvants, j'écrirai ton nom, dans la fièvre et le sang, dans les murs des prisons. Je te survivrai, je te survivrai, d'un amour vivant, je te survivrai, dans des yeux d'enfant, je te survivrai, comme un revenant, je te survivrai, je te survivrai, et tu m'entendras, je te survivrai, quelque part en toi, je te survivrai. Au-delà de moi, je te survivrai. Dans les miroirs, dans les bruits de la ville, dans les aéroports, dans les jours difficiles, où l'on a la main, où l'on fuit la lune, où je perdrai mon corps, je te survivrai. Tout ce qui joue là, je le joue. Triton et le. Ça, ça fait bizarre de m'entendre le son. J'ai commencé avec ça. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.